tout l'homme qu'on appelle Freddy K. En puissance, en force. Ce morceau est dédié pour toi, mon frère. Car c'est le grand frère qui te parle. On n'a pas pu faire des choses ensemble. Mais aujourd'hui, on se retrouve tous ici, avec les frères. Se mettre autour de la même table. Pour parler de toi, mon frère. À tous les enfants du monde. À tous les enfants de la planète Terre. Regretter le temps, regretter les moments que l'on aurait dû passer. Regretter de se perdre de vue bêtement, oh, bêtement. Avant que l'homme ne soit rappelé, oh, que doit-on dire et que penser maintenant? Que penser maintenant? Que la famille sera attristée, attristée. Attends-nous au ciel et Freddy K entend. Entends-nous. Ses louanges, frère, et repose en paix. Encore un frère qui part, et pas n'importe qui, une valeur sur un homme d'honneur. Il s'appelait Freddy, il était simple, digne et généreux. Des qualités qui se font rares malheureusement dans notre milieu. Le fait de dire il était sincèrement, ça nous fait mal. De ne plus le croiser avec son sourire, vraiment, ça la fout mal. Le jour où j'ai appris la nouvelle, le ciel était gris. Que Dieu veille sur ton âme et que ta place soit au paradis, Inch'Allah, Freddy. Les hommes sont pas tous égaux, mais quand on s'en va là-haut, c'est tout seul. Alors repose en paix, cousin. Là, je suis dans le studio avec ton frangin. J'aurais voulu écrire des choses moins tristes. Freddy était un bon gars, Freddy était un artiste. Rendons-lui hommage comme il se doit. Car de là où il nous entend, de là où il nous voit. Regretter le temps, regretter les moments que l'on aurait dû passer. Regretter de se perdre de vue bêtement, oh, bêtement. Avant que l'homme ne soit rappelé, oh, que doit-on dire et que penser maintenant? Que penser maintenant? Que la famille sera attristée, attristée. Attends-nous au ciel et Freddy K entend. Entends-nous. Ses louanges, frère, et repose en paix. Du ciel, tout peut te paraître loin, Freddy. Le temps s'arrête quand on perd les siens. Peut-on remplir le désert par le désespoir? J'ai des souvenirs à revendre, le cœur à tant de mémoire. Des scènes sur les quais de Seine, au Classic Corner. De Paul Valéry au plan du mouillé, le débardeur. Trop d'amour pour le mic, pour montrer ton ardeur. C'est pas qu'un pote que Dieu nous arrache, mais le cœur. Ce que je dois dire, si ce n'est que t'es un vrai gars. C'est pas pour tous ceux qui partent que je serai délicat. Loin de la façon t'es. Tu te vois bien là, le succès, le respect, l'amour tienne là. Dis-moi, comment faire, ma vie s'arrête là. Tes goûts, tes choix me poussent à ce qu'on continue. Tu seras là à veiller sur le contenu. Ça change pas la vérité quand on continue. Regretter le temps, regretter les moments que l'on aurait dû passer. Regretter de se perdre de vue bêtement, oh, bêtement. Avant que l'homme ne soit rappelé, oh, que doit-on dire et que penser maintenant? Que penser? Que la famille sera attristée, attristée. Attends-nous au ciel et Freddy K entend. Entends-nous. Ses louanges, frère, et repose en paix. Puissent nos verres rester pleins de bulles, nos poches pleins de blé. Puisque cette vie est pleine de merde, impossible de ne pas ressentir cette peine. Comment ne pas laisser ressortir cette haine? Tu as un manque d'amour. En vrai, on vit dans la même demeure. Tu n'y crois pas? Ok, prends une arme alors et recule deux ou trois pas. En refusant les rêves tels que personne ne meurt. Tous des bêtes sauvages, là c'est pour Freddy K. Encore un soldat qui nous quitte dans le hall. Faut lui rendre hommage, donc normal. Zoxy est dans le coup, ça m'a fait trop mal. Quand j'ai appris ça sur le coup, limite traumat. Freddy K au match, t'étais un chroma. Maintenant que t'es plus là, certains diront que t'étais fort. Moi je le savais déjà, même si t'avais pas encore pété l'or. T'es mort sur terre, mais bien vivant au paradis. Freddy K, que Dieu te garde, repose en paix, mon ami. Regretter le temps, regretter les moments que l'on aurait dû passer. Regretter de se perdre de vue bêtement, oh, bêtement. Avant que l'homme ne soit rappelé, oh, que doit-on dire et que penser maintenant? Que penser maintenant? Que la famille sera attristée, attristée. Attends-nous au ciel et Freddy K entend. Entends-nous. Ses louanges, frère, et repose en paix. Regretter le temps, regretter les moments que l'on aurait dû passer. Regretter de se perdre de vue bêtement, oh, bêtement. Avant que l'homme ne soit rappelé, oh, que doit-on dire et que penser maintenant? Que penser maintenant? Que la famille sera attristée, attristée. Attends-nous au ciel et Freddy K entend. Entends-nous. Ses louanges, frère, et repose en paix. Peace, unity, love and having fun. A tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Père nous armes. Car dans la vie faut pas baisser les bras. À tous les enfants de la terre. Que tu sois blanc, noir, jaune ou vert.